À l'occasion du 100e anniversaire de la constitution de l'Association nationale coréenne, le 23 mars 1917, la direction d'édition de timbres d'État a fait paraître un nouveau timbre, une vignette. La vignette figure un timbre portant les paroles de la première strophe et la partition du chant « Le pain vert sur la colline Nam » créé par M. Kim Yong-ji, éminent dirigeant du mouvement anti-japonais de libération nationale de Corée, avec à l'arrière-plan le pain qui reste toujours vert avec le mot « Chiwon ». Il y a aussi les paroles des deuxième et troisième strophes du chant. Le chant « Le pain vert sur la colline Nam » créé par M. Kim Yong-ji après la sortie de la prison de Pyongyang en 7 du 10 1918 est un chef-d'œuvre immortel concernant l'origine de la révolution coréenne. Le pain est l'arbre national de la Corée.